Le comte de Monte-Cristo. Alexandre Dumas. Chapitre 47. L'attelage Gripe-Melée. Le baron, suivi du comte, traversa une longue file d'appartements remarquables par leur lourde somptuosité et leur fastueux mauvais goût, et arriva jusqu'au boudoir de Madame Danglars, petite pièce octogone tendue de satin rose, recouvert de mousseline des Indes. Les fauteuils étaient en vieux bois doré et en vieilles étoffes. Les dessus des portes représentaient des bergeries dans le genre de boucher. Enfin, deux jolis pastels en médaillon, en harmonie avec le reste de l'ameublement, faisaient de cette petite chambre la seule de l'hôtel qui eut quelque caractère. Il est vrai qu'elle avait échappé au plan général arrêté entre M. Danglars et son architecte, une des plus hautes et des plus éminentes célébrités de l'Empire, et que c'était la baronne et Lucien Debray seulement qui s'en étaient réservé la décoration. Aussi, M. Danglars, grand admirateur de l'antique à la manière dont le comprenait le directoire, méprisait-il fort ce coquet petit réduit où, au reste, il n'était admis en général qu'à la condition qu'il ferait excuser sa présence en amenant quelqu'un. Ce n'était donc pas en réalité Danglars qui représentait, c'était au contraire lui qui était présenté et qui était bien ou mal reçu, selon que le visage du visiteur était agréable ou désagréable à la baronne. Madame Danglars, dont la beauté pouvait encore être citée, malgré ses 36 ans, était à son piano, petit chef-d'œuvre de marqueterie, tandis que Lucien Debray, assis devant une table à ouvrage, feuilletait un album. Lucien avait déjà, avant son arrivée, eu le temps de raconter à la baronne bien des choses relatives au comte. On sait combien, pendant le déjeuner, chez Albert, Monte-Cristo avait fait impression sur ses convives. Cette impression, si peu impressionnable qu'il fût, n'était pas encore effacée chez Debray, et les renseignements qu'il avait donnés à la baronne sur le comte s'en étaient ressentis. La curiosité de Madame Danglars, excitée par les anciens détails venus de Morcerf et les nouveaux détails venus de Lucien, était donc portée à son comble. Aussi, cet arrangement de piano et d'album n'était-il qu'une de ces petites ruses du monde à l'aide desquelles on voile les plus fortes précautions. La baronne reçut en conséquence M. Danglars avec un sourire, ce qui, de sa part, n'était pas une chose habituelle. Quant au comte, il eut en échange son salut une cérémonieuse mais en même temps gracieuse révérence. Lucien, de son côté, échangea avec le comte un salut de demi-connaissance et avec Danglars un geste d'intimité. Madame la baronne, dit Danglars, permettez que je vous présente Monsieur le comte de Monte-Cristo, qui m'est adressé par mes correspondants de Rome avec les recommandations les plus instantes. Je n'ai qu'un mot à en dire et qui va en un instant le rendre la coqueluche de toutes nos belles dames. Il vient à Paris avec l'intention d'y rester un an et de dépenser 6 millions pendant cette année. Cela promet une série de bals, de dîners, de médianoches, dans lesquels j'espère que Monsieur le comte ne nous oubliera pas plus que nous ne l'oublierons nous-mêmes dans nos petites fêtes. Quoique la présentation fût assez grossièrement louangeuse, c'est en général une chose si rare qu'un homme venant à Paris pour dépenser une année la fortune d'un prince, que Madame Danglars jeta sur le comte un coup d'œil qui n'était pas dépourvu d'un certain intérêt. « Et vous êtes arrivé, monsieur ?» demanda la baronne. Depuis hier matin, madame. Et vous venez, selon votre habitude, à ce qu'on m'a dit, du bout du monde? De Cadix, cette fois, madame, purement et simplement. Oh, vous arrivez dans une affreuse saison. Paris est détestable l'été. Il n'y a plus ni bal, ni réunion, ni fête. L'opéra italien est à Londres, l'opéra français est partout, excepté à Paris. Et quant au théâtre français, vous savez qu'il n'est plus nulle part. Il nous reste donc pour toute distraction quelques malheureuses courses au Champ de Mars et à Satory. Ferez-vous courir, monsieur le comte ? Moi, madame, dit Monte-Cristo, je ferai tout ce qu'on fait à Paris si j'ai le bonheur de trouver quelqu'un qui me renseigne convenablement sur les habitudes françaises. Vous êtes amateur de chevaux, monsieur le comte ? J'ai passé une partie de ma vie en Orient, madame, et les orientaux, vous savez, n'estiment que deux choses au monde, la noblesse des chevaux et la beauté des femmes. Ah, monsieur le comte, dit la baronne, vous auriez dû avoir la galanterie de mettre les femmes les premières. Vous voyez, madame, que j'avais bien raison quand tout à l'heure je souhaitais un précepteur qui pût me guider dans les habitudes françaises. En ce moment, la camériste favorite de madame la baronne d'Anglars entra, et s'approchant de sa maîtresse, lui glissa quelques mots à l'oreille. Madame d'Anglars pâlit. « Impossible !» dit-elle. « C'est l'exacte vérité, cependant, madame, » répondit la camériste. Madame d'Anglars se retourna du côté de son mari. « Est-ce vrai, monsieur ?»« Quoi, madame ?» demanda d'Anglars, visiblement agité. « Ce que me dit cette fille ?»« Et que vous dit-elle ?»« Elle me dit qu'au moment où mon cocher était pour mettre mes chevaux à ma voiture, il ne les a pas trouvés à l'écurie. Que signifie cela ? Je vous le demande. » « Madame, dit d'Anglars, écoutez-moi. Oh, je vous écoute, monsieur, car je suis curieuse de savoir ce que vous allez me dire. Je ferai ces messieurs juges entre nous, et je vais commencer par leur dire ce qu'il en est. » « Messieurs, continua la baronne, monsieur le baron d'Anglars a 10 chevaux à l'écurie. Parmi ces 10 chevaux, il y en a 2 qui sont à moi. Des chevaux charmants, les plus beaux chevaux de Paris. Vous les connaissez, monsieur Debray, mes gris-pommelés. Eh bien, au moment où madame de Villefort m'emprunte ma voiture, où je la lui promets pour aller demain au bois, voilà les 2 chevaux qui ne se retrouvent plus. Monsieur d'Anglars aura trouvé à gagner dessus quelques milliers de francs et les aura vendus. Oh, la vilaine race, mon Dieu, que celle des spéculateurs !»« Madame, répondit d'Anglars, les chevaux étaient trop vifs. Ils avaient 4 ans à peine et ils me faisaient pour vous des peurs horribles. Mais monsieur, dit la baronne, vous savez bien que j'ai depuis un mois à mon service le meilleur cocher de Paris. Un mois toutefois... que vous n'ayez vendu avec les chevaux. Cher ami, je vous trouverai les pareils, de plus beaux même, s'il y en a. Mais des chevaux doux, calmes, et qui ne m'inspirent plus pareille terreur. La baronne haussa les épaules avec un air de profond mépris. Danglars ne parut point s'apercevoir de ce geste plus que conjugal, et se retournant vers Monte Cristo. En vérité, je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt, monsieur le comte, dit-il. Vous montez votre maison ? « Mais oui, dit le comte, je vous les eusse proposés. Imaginez-vous que je les ai donnés pour rien. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais m'en défaire, ce sont des chevaux de jeune homme. Monsieur, dit le comte, je vous remercie. J'en ai acheté ce matin d'assez bons, mais pas trop chers. Tenez, voyez, monsieur Debray, vous êtes amateur, je crois. » Pendant que Debray s'approchait de la fenêtre, Danglars s'approcha de sa femme. « Imaginez-vous, madame, lui dit-il tout bas, qu'on est venu m'offrir un prix exorbitant de ses chevaux. Je ne sais quel est le fou en train de se ruiner qui m'envoyait ce matin son intendant, mais le fait est que j'ai gagné 16 000 francs dessus. Ne me boudez pas. Je vous en donnerai 4 000 et 2 000 à Eugénie. » Madame d'Anglars laissa tomber sur son mari un regard écrasant. « Oh mon Dieu !» s'écria Debray. « Quoi donc ? » demanda la baronne. « Mais je ne me trompe pas. Ce sont vos chevaux, vos propres chevaux attelés à la voiture du comte. » Mais gris-pommelés ! S'écria madame d'Anglars, et elle s'élança vers la fenêtre. En effet, ce sont eux, dit-elle. D'Anglars était stupéfait. Est-ce possible ? Dit Monte Cristo en jouant l'étonnement. C'est incroyable, murmura le banquier. La baronne dit 2 mots à l'oreille de Debray qui s'approcha à son tour de Monte Cristo. La baronne vous fait demander combien son mari vous a vendu son attelage. Mais je ne sais trop, dit le comte, c'est une surprise comme mon intendant m'a faite, et qui m'a coûté 30 000 francs, je crois. Debray alla rapporter la réponse à la baronne. Danglars était si pâle et si décontenancé que le comte eut l'air de le prendre en pitié. Voyez, lui dit-il, combien les femmes sont ingrates. Cette prévenance de votre part n'a pas touché un instant la baronne. Ingrate n'est pas le mot. C'est folle, que je devrais dire. Mais que voulez-vous, on aime toujours ce qui nuit. Aussi, le plus court, croyez-moi, cher baron, est toujours de les laisser faire à leur tête. Si elles se la brisent, au moins, ma foi, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles. Danglars ne répondit rien. Il prévoyait, dans un prochain avenir, une scène désastreuse. Déjà, le sourcil de madame la baronne s'était froncé, et comme celui de Jupiter Olympia présageait un orage. Debray, qui le sentait grossir, prétexta une affaire et partit. Monte Cristo, qui ne voulait pas gâter la position qu'il voulait conquérir en demeurant plus longtemps, salua Madame Danglars et se retira, livrant le baron à la colère de sa femme. « Bon, » pensa Monte Cristo en se retirant, « j'en suis arrivé où j'en voulais venir. Voilà que je tiens dans mes mains la paix du ménage et que je vais gagner d'un seul coup le cœur de monsieur et le cœur de madame. Quel bonheur !» Mais ajouta-t-il, « dans tout cela, je n'ai point été présenté à Mademoiselle Eugénie Danglars, que j'eusse été cependant fort aise de connaître. Mais, » reprit-il, avec ce sourire qui lui était particulier, « nous voici à Paris et nous avons du temps devant nous. Ce sera pour plus tard. » Sur cette réflexion, le comte monta en voiture et rentra chez lui. 2 heures après, Madame Danglars reçut une lettre charmante du comte de Monte Cristo, dans laquelle il lui déclarait que, ne voulant pas commencer ses débuts dans le monde parisien en désespérant une jolie femme, il la suppliait de reprendre ses chevaux. Ils avaient le même harnais qu'elle leur avait vu le matin. Seulement, au centre de chaque rosette qu'il pointait sur l'oreille, le comte avait fait coudre un diamant. Danglars aussi eut sa lettre. Le comte lui demandait la permission de passer à la baronne ce caprice de millionnaire, le priant d'excuser les façons orientales dont le renvoi des chevaux était accompagné. Pendant la soirée, Monte Cristo partit pour Auteuil, accompagné d'Ali. Le lendemain, vers 3 heures, Ali, appelé par un coup de timbre, entra dans le cabinet du comte. « Ali, lui dit-il, tu m'as souvent parlé de ton adresse à lancer au lasso. » Ali fit signe que oui et se redressa fièrement. « Bien. Ainsi, avec le lasso, tu arrêteras un bœuf. » Ali fit signe de la tête que oui. « Un tigre. » Ali fit le même signe. « Un lion ?» Ali fit le geste d'un homme qui lance le lasso et imita un rugissement étranglé. « Bien, je comprends, » dit Monte Cristo. « Tu as chassé le lion. » Ali fit un signe de tête orgueilleux. « Mais arrêterais-tu dans leur course 2 chevaux ?» Ali sourit. « Eh bien, écoute, » dit Monte Cristo. « Tout à l'heure, une voiture passera emportée par 2 chevaux gris pommelés, les mêmes que j'avais hier. Dusses-tu te faire écraser, il faut que tu arrêtes cette voiture devant ma porte. » Ali descendit dans la rue et traça devant la porte une ligne sur le pavé. Puis il rentra et montra la ligne au comte qu'il avait suivi des yeux. Le comte lui frappa doucement sur l'épaule. C'était sa manière de remercier Ali. Puis, le Nubien alla fumer sa chibouque sur la borne qui formait l'angle de la maison et de la rue, tandis que Monte Cristo rentrait sans plus s'occuper de rien. Cependant, vers 5 heures, c'est-à-dire l'heure où le comte attendait la voiture, on eût pu voir naître en lui les signes presque imperceptibles d'une légère impatience. Il se promenait dans une chambre, donnant sur la rue, prêtant l'oreille par intervalles et de temps en temps se rapprochant de la fenêtre, par laquelle il apercevait Ali poussant des bouffées de tabac avec une régularité indiquant que le Nubien était tout à cette importante occupation. Tout à coup, on entendit un roulement lointain, mais qui se rapprochait avec la rapidité de la foudre. Puis une calèche apparut, dont le cocher essayait inutilement de retenir les chevaux, qui s'avançaient furieux, hérissés, bondissant avec des élans insensés. Dans la calèche, une jeune femme et un enfant de 7 à 8 ans, se tenant embrassés, avaient perdu, par l'excès de la terreur, jusqu'à la force de pousser un cri. Il eût suffi d'une pierre sous la roue, ou d'un arbre accroché, pour briser tout à fait la voiture qui craquait. La voiture tenait le milieu du pavé et on entendait dans la rue les cris de terreur de ceux qui la voyaient venir. Soudain, Ali posa sa chibouque, tira de sa poche le lasso, le lança, enveloppa d'un triple tour les jambes de devant du cheval de gauche, se laissant entraîner 2 ou 3, 4 pas par la violence de l'impulsion. Mais au bout de 4 pas, le cheval a enchaîné sa barre, tombe sur la flèche qu'il brise et paralyse les efforts que fait le cheval resté debout pour continuer sa course. Le cocher saisit cet instant de répit pour sauter en bas de son siège. Mais déjà, Ali a saisi les naseaux du second cheval avec ses doigts de fer et l'animal, hennissant de douleur, s'est allongé convulsivement près de son compagnon. Il a fallu à tout cela le temps qu'il faut à la balle pour frapper le but. Cependant, il a suffi pour que de la maison en face de laquelle l'accident est arrivé, un homme se soit élancé suivi de plusieurs serviteurs. Au moment où le cocher ouvre la portière, il enlève de la calèche la dame qui d'une main se cramponne au coussin, tandis que de l'autre elle serre contre sa poitrine son fils évanoui. Monte Cristo les emporta tous les deux dans le salon et les déposant sur un canapé. « Ne craignez plus rien, madame, dit-il, vous êtes sauvée. » La femme revint à elle et pour réponse, elle lui présenta son fils avec un regard plus éloquent que toutes les prières. En effet, l'enfant était toujours évanoui. « Oui, madame, je comprends, dit le comte en examinant l'enfant, mais soyez tranquille, il ne lui est arrivé aucun mal. C'est la peur seule qui l'a mis dans cet état. » « Oh, monsieur, s'écria la mère, ne me dites-vous pas cela pour me rassurer? Oh, voyez comme il est pâle. Mon fils, mon enfant, mon Édouard, réponds donc à ta mère. Oh, monsieur, envoyez chercher un médecin, ma fortune à qui me rend mon fils. » Monte Cristo fit de la main un geste pour calmer la mère éplorée. Et ouvrant un coffret, il en tira un flacon de bohème, incrusté d'or, contenant une liqueur rouge comme du sang, et dont il laissa tomber une seule goutte sur les lèvres de l'enfant. L'enfant, quoique toujours pâle, rouvrit aussitôt les yeux. À cette vue, la joie de la mère fut presque un délire. « Où suis-je ? » s'écria-t-elle, « et à qui dois-je tant de bonheur après une si cruelle épreuve ?»« Vous êtes, madame, » répondit Monte Cristo, « chez l'homme le plus heureux d'avoir pu vous épargner un chagrin. »« Oh, maudite curiosité !» dit la dame. En tout Paris parlait de ces magnifiques chevaux de madame Danglars, j'ai eu la folie de vouloir les essayer. « Comment ? » s'écria le comte, avec une surprise admirablement jouée. « Ces chevaux sont ceux de la baronne ? » ?»« Oui, monsieur, la connaissez-vous, madame Danglars ? J'ai cet honneur, et ma joie est double de vous voir sauvée du péril, que ces chevaux vous ont fait courir, car ce péril, c'est à moi que vous eussiez pu l'attribuer. J'avais acheté hier ces chevaux au baron. » Mais la baronne a paru tellement les regretter que je les lui ai renvoyés hier en la priant de les accepter de ma main. Mais alors, vous êtes donc le comte de Monte Cristo dont Hermine m'a tant parlé hier ? Oui, madame, fit le comte. Moi, monsieur, je suis madame Héloïse de Villefort. Le comte salua un homme devant lequel on prononce un nom parfaitement inconnu. Oh, que monsieur de Villefort serait reconnaissant, reprit Héloïse. « Car enfin, il vous devra notre vie à tous deux. Vous lui avez rendu sa femme et son fils. Assurément, sans votre généreux serviteur, ce cher enfant et moi nous étions tués. Hélas, madame, je frémis encore du péril que vous avez couru. Oh, j'espère que vous me permettrez de récompenser dignement le dévouement de cet homme. »« Madame, répondit Monte Cristo, ne me gâtez pas, allez, je vous prie, ni par des louanges, ni par des récompenses. Ce sont des habitudes que je ne veux pas qu'il prenne. » Ali est mon esclave. En vous sauvant la vie, il me sert, et c'est son devoir de me servir. Mais il a risqué sa vie, dit madame de Villefort, à qui ce ton de maître imposait singulièrement. Bon, j'ai sauvé cette vie, madame, répondit Monte Cristo. Par conséquent, elle m'appartient. Madame de Villefort se tut. Peut-être réfléchissait-elle à cet homme qui, du premier abord, faisait une si profonde impression sur les esprits. Pendant cet instant de silence, le comte put considérer à son aise l'enfant que sa mère couvrait de baisers. Il était petit, grêle, blanc de peau comme les enfants roux, et cependant une forêt de cheveux noirs, rebelle à toute frisure, couvrait son front bombé, et tombant sur ses épaules en encadrant son visage, redoublait la vivacité de ses yeux pleins de malice sournoise et de juvénile méchanceté. Sa bouche, à peine redevenue vermeille, était fine de lèvres et large d'ouverture. Les traits de cet enfant de 8 ans annonçaient déjà 12 ans au moins. Son premier mouvement fut de se débarrasser par une brusque secousse des bras de sa mère et d'aller ouvrir le coffret d'où le comte avait tiré le flacon d'élixir. Puis aussitôt, sans en demander la permission à personne et en enfant habitué à satisfaire tous ses caprices, il se mit à déboucher les fioles. « Ne touchez pas à cela, mon ami, dit vivement le comte. « Quelques-unes de ces liqueurs sont dangereuses, non seulement à boire, mais même à respirer. » Madame de Villefort pâlit et arrêta le bras de son fils qu'elle ramena vers elle. Mais sa crainte calmée, Elle jeta aussitôt sur le coffret un court mais expressif regard que le comte saisit au passage. En ce moment, Ali entra. Madame de Villefort fit un mouvement de joie et ramena l'enfant plus près d'elle encore. « Édouard, dit-elle. Édouard, dit-elle, vois-tu ce bon serviteur? Il a été bien courageux, car il a exposé sa vie pour arrêter les chevaux qui nous emportaient et la voiture qui allait se briser. Remercie-le donc, car probablement sans lui à cette heure, serions-nous morts tous les deux. » L'enfant allongea les lèvres et tourna dédaigneusement la tête. « Il est trop laid, dit-il. » Le comte sourit comme si l'enfant venait de remplir une de ses espérances. Quant à Madame de Villefort, elle gronda son fils avec une modération qui n'eût certes pas été du goût de Jean-Jacques Rousseau, si le petit Édouard se fût appelé Émile. « Vois-tu, dit en arabe le comte à Ali, cette dame prie son fils de te remercier pour la vie que tu leur as sauvée à tous deux. Et l'enfant répond que tu es trop laid. » Ali détourna un instant sa tête intelligente et regarda l'enfant sans expression apparente. Mais un simple frémissement de sa narine apprit à Monte Cristo que l'arabe venait d'être blessé au cœur. « Monsieur, demanda Madame de Villefort en se levant pour se retirer, est-ce votre demeure habituelle que cette maison ?»« Oh non, madame, répondit le comte, c'est une espèce de pied-à-terre que j'ai acheté. J'habite avenue des Champs-Élysées, numéro 30. Mais je vois que vous êtes tout à fait remise et que vous désirez vous retirer. Je viens d'ordonner qu'on atteste ces mêmes chevaux à ma voiture. Et Ali, ce garçon si laid, dit-il en souriant à l'enfant, va avoir l'honneur de vous reconduire chez vous, tandis que votre cocher restera ici pour faire accommoder la calèche. Aussitôt, c'est une besogne indispensable terminée. Un de mes attelages la reconduira directement chez Madame Danglars. Mais, dit Madame de Villefort, avec ces mêmes chevaux, je n'oserais jamais m'en aller. Vous allez voir Madame de Monte Cristo, sous la main d'Ali, ils vont devenir doux comme des agneaux. En effet, Ali s'était approché des chevaux qu'on avait remis sur leurs jambes avec beaucoup de peine. Il tenait à la main une petite éponge imbibée de vinaigre aromatique. Il en frotta les naseaux et les tempes des chevaux, couverts de sueur et d'écume, et presque aussitôt, ils se mirent à souffler bruyamment et à frissonner de tout leur corps durant quelques secondes. Puis, au milieu d'une foule nombreuse que les débris de la voiture et le bruit de l'événement avaient attiré devant la maison, Ali fit atteler les chevaux coupés du comte, rassembla les rênes, monta sur le siège et, au grand étonnement des assistants, qui avaient vu ses chevaux emportés comme par un tourbillon, il fut obligé d'user vigoureusement du fouet pour les faire partir, et encore, ne put-il obtenir des fameux gris pommelés, maintenant stupides, pétrifiés, morts, qu'un trot si mal assuré et si languissant qu'il fallut presque 2 heures à Madame de Villefort pour regagner le faubourg Saint-Honoré, où elle demeurait. À peine arrivée chez elle, et les premières émotions de famille apaisées, elle écrivit le billet suivant à Madame Danglars. « Chère Hermine, je viens d'être miraculeusement sauvée avec mon fils par ce même comte de Monte Cristo dont nous avons tant parlé hier soir et que j'étais loin de me douter que je verrais aujourd'hui. Hier, vous m'avez parlé de lui avec un enthousiasme que je n'ai pu m'empêcher de railler de toute la force de mon pauvre petit esprit. Mais aujourd'hui, je trouve cet enthousiasme bien en dessous de l'homme qui l'aspirait. Vos chevaux s'étaient emportés au Ranelagh comme s'ils eussent été pris de frénésie. Et nous allions probablement être mis en morceaux, mon pauvre Édouard et moi, contre le premier arbre de la route ou la première borne du village, quand un arabe, un nègre, un nubien, enfin un homme noir, enfin, au service du comte, a sur un signe de lui, je crois, arrêté l'élan des chevaux, au risque d'être brisé lui-même, et c'est vraiment un miracle qu'il ne l'ait pas été. Alors le comte est accouru, nous a emporté chez lui, Édouard et moi, et l'a ramené mon fils à la vie. C'est dans sa propre voiture que j'ai été ramenée à l'hôtel. La vôtre vous sera renvoyée demain. Vous trouverez vos chevaux bien affaiblis depuis cet accident. Ils sont comme hébétés. On dirait qu'ils ne peuvent se pardonner à eux-mêmes de s'être laissés dompter par un homme. Le comte m'a chargé de vous dire que 2 jours de repos sur la litière et de l'orge, pour toute nourriture, les remettront dans un état aussi florissant, ce qui veut dire aussi effrayant qu'hier. Adieu. Je ne vous remercie pas de ma promenade, et quand je réfléchis, c'est pourtant de l'ingratitude que de vous garder rancune pour les caprices de votre attelage. Car c'est à l'un de ces caprices que je dois d'avoir vu le comte de Monte Cristo, et l'illustre étranger me paraît, à part les millions dont il dispose, un problème si curieux et si intéressant que je compte l'étudier à tout prix. Dussé-je recommencer une promenade au bois avec vos propres chevaux ? Édouard a supporté l'accident avec un courage miraculeux. Il s'est évanoui, mais il n'a pas poussé un cri auparavant et n'a pas versé une larme après. Vous me direz encore que mon amour maternel m'aveugle, mais il y a une âme de fer dans ce pauvre petit corps si frêle et si délicat. Notre chère Valentine dit bien des choses à votre chère Eugénie. Moi, je vous embrasse de tout cœur. Héloïse de Villefort. Post-scriptum. Faites-moi donc trouver chez vous, d'une façon quelconque avec ce comte de Monte-Cristo, je veux absolument le revoir. Au reste, je viens d'obtenir de Monsieur de Villefort qu'il lui fasse une visite. J'espère qu'il la lui rendra. Le soir, l'événement d'Auteuil faisait le sujet de toutes les conversations. Albert le racontait à sa mère. Château Renaud au Jockey Club, Debré dans le salon du ministre. Beauchamp lui-même fit au comte la galanterie dans son journal d'un fait divers de 20 lignes qui posa le noble étranger en héros auprès de toutes les femmes de l'aristocratie. Beaucoup de gens allèrent se faire inscrire chez Madame de Villefort afin d'avoir le droit de renouveler leur visite en temps utile et d'entendre alors de sa bouche tous les détails de cette pittoresque aventure. Quant à Monsieur de Villefort, comme l'avait dit Héloïse, il prit un habit noir, des gants blancs, sa plus belle livrée, et monta dans son carrosse qui vint le même soir s'arrêter à la porte du numéro 30 de la maison des Champs-Élysées.